À l'occasion du 125e anniversaire de naissance de Madame Kambanso, combattante révolutionnaire inflexible et éminente dirigeante du mouvement féministe en Corée, plus de 370 unités d'activité ont visité cette année le haut lieu révolutionnaire de Chilgol. D'après la statistique, pendant 62 ans depuis le commencement de la visite au haut lieu, plus de 29 millions de personnes comme militaires de l'armée populaire, travailleurs, jeunes et enfants, compatriotes d'outre-mer et autres étrangers ont visité ce lieu historique. Rappelons que c'est le pays natal de Madame Kambanso et c'est là où le président Kim Il-sung a nourri le haut dessein pour la libération du pays après le voyage de Mille Ri pour les études.